Chapitre 20e, l'or. Voici ce qui s'était passé derrière ces rideaux. D'abord, Beausire avait été surpris de voir fermer cette porte au verrou. Ensuite, surpris d'entendre crier si haut Mademoiselle Oliva. Enfin, plus surpris encore, d'entrer dans la chambre et de n'y plus trouver son farouche rival. Perquisition, menace, appel. Puisque l'homme se cachait, c'est qu'il avait peur. S'il avait peur, c'est que Beausire triomphait. Oliva le força de cesser ses recherches et de répondre à ses interrogations. Beausire, un peu rudoyé, prit le hoton à son tour. Oliva, qui savait ne plus être coupable, puisque le corps du délit avait disparu, cui a corpus delicti aberrat, comme dit le texte, Oliva cria si haut que pour la faire taire, Beausire lui appliqua la main sur la bouche ou voulut la lui appliquer, mais il se trompa. Oliva comprit autrement le geste tout persuasif et conciliateur de Beausire. À cette main rapide qui se dirigeait vers son visage, elle opposa une main aussi adroite, aussi légère que l'était naguère l'épée de l'inconnu. Cette main para carte et tiers subitement et se porta en avant à fond et frappa sur la joue de Beausire. Beausire riposta par une flanconnade de la main droite un coup qui abattit les deux mains d'Oliva et lui fit rougir la joue gauche avec un bruit scandaleux. C'était le passage de la conversation qu'avait saisi l'inconnu au moment de son départ. Une explication commençait de la sorte amène vite, disons-nous, un dénouement. Toutefois, un dénouement, s'il bon qu'il soit à présenter, a besoin, pour être dramatique, d'une foule de préparations. Oliva répondit au soufflet de Beausire par un projectile lourd et dangereux, une cruche de faïence. Beausire riposta au projectile par le moulinet d'une canne, qui brisa plusieurs tasses, éconna une bougie et finit par rencontrer l'épaule de la jeune femme. Celle-ci, furieuse, bondit sur Beausire et l'étreignit au gosier. Force fut au malheureux Beausire de saisir ce qu'il put trouver de la menaçante Oliva. Il déchira une robe. Oliva, sensible à cet affront et à cette perte, lâcha prise et envoya Beausire rouler au milieu de la chambre. Il se releva écumant. Mais comme la valeur d'un ennemi se mesure sur la défense, et que la défense se fait toujours respecter, même du vainqueur, Beausire, qui avait conçu beaucoup de respect pour Oliva, reprit la conversation verbale où il l'avait laissée. « Vous êtes, dit-il, une méchante créature, vous me ruinez. »« C'est vous qui me ruinez, » dit Oliva. « Oh, je la ruine, elle n'a rien. Dites que je n'ai plus rien. Dites que vous avez vendu et mangé, bu, joué tout ce que j'avais. Et vous osez me reprocher ma pauvreté. Pourquoi êtes-vous pauvre, c'est un vice ? Je vous corrigerai de tous les vôtres d'un seul coup, en me battant. » Et Oliva brandit une pincette fort lourde, dont l'aspect fit reculer Beausire. Il ne vous manquait plus, dit-il, que de prendre des amants. Et vous, comment appelez-vous toutes ces misérables qui s'asseyent à vos côtés dans les tripots où vous passez vos jours et vos nuits ? Je joue pour vivre. Et vous y réussissez joliment. Nous mourrons de faim. Charmante industrie, ma foi. Et vous, avec la vôtre, vous êtes forcé de pleurer quand on vous déchire une robe, parce que vous n'avez pas le moyen d'en acheter une autre. Belle industrie, pardieu! Meilleure que la vôtre! S'écria Oliva, furieuse. Et en voici la preuve. Il saisit dans sa poche une poignée d'or qu'elle jeta tout au travers de la chambre. Les louis se mirent à rouler sur leurs disques et à trembler sur leurs faces, les uns se cachant sous les meubles, les autres continuant leurs évolutions sonores jusque sous les portes. Les autres, enfin, s'arrêtaient à plat, fatigués, et faisant reluire leurs effigies comme des paillettes de feu. Lorsque Beausire entendit cette pluie métallique teintée sur le bois des meubles et sur le carreau de la chambre, il fut saisi comme d'un vertige. Nous devrions plutôt dire comme d'un remords. « Des louis, des doubles louis ? » s'écria-t-il atterré. Oliva tenait dans sa main une autre poignée de ce métal. Elle le lança dans le visage et les mains ouvertes de Beausire, qui en fut aveuglé. « Oh ! » fit-il encore, « elle est riche, cette Oliva. »« Voilà ce que me rapporte mon industrie !» répliqua cyniquement la créature, en repoussant la fois d'un grand coup de sa mule, et l'or qui jonchait le plancher, et Beausire qui s'agenouillait pour ramasser l'or. « 16, 17, 18, » disait Beausire, pantelant de joie. « Misérable !» grommela Oliva. « 19, 21, 22, lâche !» 23, 24, 26, infâme. Soit qu'il eût entendu, soit qu'il eût rougi sans entendre, Beausire se releva. « Ainsi, dit-il, d'un ton si sérieux que rien ne pouvait en égaler le comique, ainsi, mademoiselle, vous faisiez des économies en me privant du nécessaire. » Olivia, confondue, ne trouva rien à répondre. « Ainsi, continua le drôle, vous me laissez courir avec des bas fanés, avec un chapeau roux, avec des doublures sciées et éventrées, tandis que vous gardez des louis dans votre cassette. D'où viennent ces louis ? De la vente que je fis de mes hardes en associant ma triste destinée à la vôtre. Coquin ! Murmura tout bas Oliva. Elle lui lança un regard plein de mépris. Il ne s'en effaroucha pas. Je vous pardonne, dit-il, non pas votre avarice, mais votre économie. Et vous vouliez me tuer tout à l'heure. J'avais raison tout à l'heure, j'aurais tort à présent. Pourquoi, s'il vous plaît ? Parce qu'à présent, vous êtes une vraie ménagère. Vous rapportez au ménage. Je vous dis que vous êtes un misérable, ma petite Oliva, et que vous allez me rendre cet or, ô ma chérie. Vous allez me le rendre, sinon je vous passe votre épée au travers du corps. Oliva ! C'est oui ou non ? C'est non, Oliva. Je ne consentirai jamais que tu me traverses le corps. Ne remuez pas, ou vous êtes traversé, l'argent. Donne-le-moi. Lâche, créature avilie. Vous mendiez, vous sollicitiez les bienfaits de ma mauvaise conduite. Ah, voilà ce qu'on appelle un homme. Je vous ai toujours méprisé, tous méprisés, entendez-vous ? Plus encore celui qui donne que celui qui reçoit. Celui qui donne, repartit gravement Beausire, peut donner, il est heureux. Moi aussi je vous ai donné, Nicole. Je ne veux pas qu'on m'appelle Nicole. Pardon, Oliva. Je disais donc que je vous avais donné lorsque je pouvais. Belle largesse, des boucles d'argent, 6 louis d'or, 2 robes de soie, 3 mouchoirs brodés. C'est beaucoup pour un soldat. Taisez-vous. Ces boucles, vous les aviez volées à quelque autre pour me les offrir. Ces louis d'or, on vous les avait prêtés, vous ne les avez jamais rendus. Les robes de soie. Oliva, Oliva ! Rendez-moi mon argent. Que veux-tu en retour ? Le double. Eh bien, soit, dit le coquin avec gravité. Je vais aller jouer, rue de Bussy. Je te rapporte non pas le double, mais le quintuple. Il fit 2 pas vers la porte. Elle le saisit par la basque de son habit trop mûr. Allons bien, fit-il. L'habit est déchiré. Tant mieux, vous en aurez 1 neuf. 6 louis, Olivia, 6 louis. Heureusement que rue de Bussy, les banquiers et les pontes ne sont pas rigoureux sur l'article de la toilette. Oliva saisit tranquillement l'autre basque de l'habit et l'arracha. Beausire devint furieux. « Mort de tous les diables » s'écria-t-il. « Tu vas te faire tuer. »« Voulait-il pas que la drôlesse me déshabille ? Je ne puis plus sortir d'ici, moi. »« Au contraire, vous allez sortir tout de suite. » Ce serait curieux sans habit. Vous mettrez la redingote d'hiver. Troué, rapiécé. Vous ne la mettrez pas, si cela vous plaît mieux, mais vous sortirez. Jamais. Oliva prit dans sa poche ce qu'il lui restait d'or, 40 louis environ, et les fit sauter entre ses 2 mains rassemblées. Beausire faillit devenir fou. Il s'agenouilla encore une fois. Ordonne, dit-il, ordonne. Vous allez courir au Capucin Magique, rue de Seine. On y vend des dominos pour le bal masqué. Eh bien, vous m'en achèterez un complet, masque et bas pareil. Bon. Pour vous, 1 noir, pour moi, 1 blanc de satin. Oui. Et je ne vous donne que 20 minutes pour cela. Nous allons au bal, au bal. Et tu me conduis au boulevard Soupé. Certes, mais à 1 condition. Laquelle ? Si vous êtes obéissant. Oh, toujours, toujours. Allons donc, montrez votre zèle. Je cours. Comment ? Vous n'êtes pas encore parti ? Mais la dépense, vous avez 25 louis. Comment, j'ai 25 louis, et où prenez-vous cela ? Mais ce que vous avez ramassé. Oliva, Oliva, ce n'est pas bien. Que voulez-vous dire ? Oliva, vous me les aviez donnés. Je ne dis pas que vous ne les aurez pas. Mais si je vous les donnais à présent, vous ne reviendriez pas. Allons donc et revenez vite. Elle a perdu raison, dit le coquin un peu confus. C'était mon intention de ne pas revenir. 25 minutes, entendez-vous ? Cria-t-elle. « J'obéis !» C'est à ce moment que le valet placé en embuscade dans la niche située en face des fenêtres vit un des 2 interlocuteurs disparaître. C'était M. Beausire, lequel sortit avec un habit sans basque, derrière lequel l'épée se balançait insolemment, tandis que la chemise boursouflait sous la veste comme au temps de Louis XIII. Tandis que le vaurien gagnait du côté de la rue de Seine, Oliva écrivit rapidement sur un papier ces mots, qui résumait tout l'épisode. La paix est signée, le partage est fait, le bal adopté. À 2 heures, nous serons à l'opéra. J'aurai un domino blanc et sur l'épaule gauche, un ruban de soie bleue. Oliva roula le papier autour d'un débris de la cruche de faïence, aventura la tête par la fenêtre et jeta le billet dans la rue. Le valet fondit sur sa proie, la ramassa et s'enfuit. Il est à peu près certain que M. Beausire ne resta pas plus de 30 minutes à revenir, suivi de 2 garçons tailleurs qui apportaient, au prix de 18 louis, 2 dominos d'un goût exquis, comme on les faisait aux Capucins magiques, chez le bon faiseur, fournisseur de Sa Majesté la Reine et des Dames d'honneur.